fois j'ai la flemme de vivre. Je suis pour ma place dans cette chienne de vie. Toute la journée dans ma pièce de vie. Dire qu'à la base j'avais tout prévu. Comme quand je sortais du lycée, j'écrivais dans le bus pour me changer les idées. Le trajet est long, faut rester zen. Je rentre à 20h, j'ai passé la journée à cogiter. Donc faut que je me repose. Mais je suis pas en bon état, je trouve pas le sommeil. Et je suis insouciant, je veux pas de conseils. J'ai mes écouteurs dans les oreilles. Le lendemain je me réveille un peu trop tard. Y'a la fille que j'aime qui me fait la morale. Elle me demande comment je vais faire pour tout accomplir avant que ce soit trop tard. Mais moi, ça fait 4 ans que je l'ai pas revue. Je sais pas comment lui avouer que j'en peux plus. J'ose pas lui dire je t'aime, j'ai pas de courage. Elle croit que je drogue toutes les filles de mon entourage. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Et j'ai toujours été nul en amour. S'il te plaît, dis-moi si je dois faire demi-tour. J'ai passé trop de temps à leur montrer ma paix. La pluie tombe, efface les passants. J'suis impatient et j'y dois en patiente. J'ai encore du tard, j'pars pas en vacances. Baby, suis-moi encore. Imprime avec moi des billets de 500. On sait même pas ce qui doit se passer dehors. On s'enferme un peu le temps que ça passe. Elle veut pas qu'on s'entraide. J'ai peur de pas la revoir. J'suis tombé en panne avant de leur demander de l'aide. Faut déjà épuiser mon âme. Et c'est à plus rien à faire. J'veux pas vexer mes en bas. Ça m'en veut, je rentre pas. Là j'suis d'humeur illégale. J'ai tout misé sur ma voix. Ça commence à briller en bas. Ce soir, j'suis pas sûr de ma voix. J'sais pas combien de fois on va se voir. Dis-moi si dans longtemps on va s'aimer. J'suis toute l'année en peur. L'année en paix, pour ça que j'ai plus rien à perdre. Plus rien à perdre. C'est nous, c'est moi et ma paix. Je le vois quand tu sais. C'est nous, c'est moi et ma haine. Tous les ans je me fais rare. Mais j'ai confiance en toi. Tout le monde me demande à chaque fois. Pourquoi je tire pas juste en toi. Elle a vu que j'étais comme ça. Pour le reste elle m'en veut pas. On a des soucis encore. Et je veux pas rester là. Demain j'écris des vraies chansons. La tristesse ça me va pas. J'ai faim jusqu'à 20h30. Ça va pas être facile, je te mens pas. Soit on patiente, soit on se barre. J'ai mis 3 plombes, j'écris tout petit. Pour être sûr d'avoir de la place. J'ai commencé les études juste pour aller quelque part. Ça allait pas le faire. J'ai mis ma patience à bout, j'ai fait comme si ça allait pas se voir. Je me fais des souvenirs mais j'en ai pas 500. Ouais c'est pas si simple, t'en penses quoi? J'ai arraché le pansement pour toi. Maintenant je veux qu'on se barre. Chez nous c'est tout le temps la même. On prend le temps à l'envers. Je vais plus jamais regarder l'heure. Ce soir on va boire un verre. Ce soir elle m'appelle un peu. Elle me dit je veux qu'on aille à la mer. Je la récup sur le palier. On va peut-être finir ici en salle. Faut que je travaille en équipe mais c'est pas simple. Je passe la main dans ses cheveux, c'est mon passe-temps. Baby embrasse-moi ce soir. J'aurais tellement prêt à tout faire ce soir. Ils font tout pour se faire bien voir encore. Faut que je ferme la porte juste pour plus les revoir. Ils veulent me nier mais j'ai pas l'air inquiété. T'arrives à me faire confiance sans inquiéter. Je viens de trouver la dernière pièce du puzzle. Maintenant faut juste que j'appuie sur le buzzer. Ce soir, j'suis pas sûr de ma voix. J'sais pas combien de fois on va se voir. Dis-moi si dans longtemps on va s'aimer. J'suis toute l'année en peur. Toute l'année en peur. C'est pour ça que j'ai plus rien à perdre. Plus rien à perdre. C'est nous, c'est moi et ma paix. J'le vois quand tu sais. C'est nous, c'est moi et ma haine. Tous les ans j'me fais rare. Mais j'ai confiance en toi. Tout le monde me demande à chaque fois. Pourquoi j'tire pas juste en toi. Elle a vu que j'étais comme ça. Pour le reste elle m'en veut pas. On a des soucis encore. Et j'veux pas rester là. Thank you.